Ok. Un. Ouais, ouais. C'est Narge de Zo. Un. Mon écriture ne s'arrête pas au fait de te dire ce qui me passe par la tête. Je cherche qui je suis et ce qu'il y a au fond de mon être. C'est si dur pour moi de le dire, mais la vie ne m'a pas épargné non plus. Je sais ce que t'endures, j'en arrive. Et pourtant des fois j'aimerais repartir vers cette rive blessante et plaisante à la fois. Me repentir de cette vie, arrêter d'être ivre pour enfin avoir la foi, la force de la vivre comme il faut. Mais surtout l'envie, c'est ça qui jusqu'à présent je crois m'a fait défaut. Tout comme toi depuis trop longtemps maintenant je navigue seul face moi-même à travers les vagues de cette mer en feu. Nos esprits nous guident, nous indiquent la route qu'il faut suivre afin qu'on arrive à renaître de nos cendres. Trop de gens croient qu'on est fou, pour moi ce ne sont que des légendes. C'est vrai, eux le sont au moins autant que nous. Après tout qu'ils aillent se faire foutre, qui sont-ils pour nous juger, pour nous dire ce qui est bon pour nous, vers quoi on doit avancer? Qui sont-ils pour nous dire ce qui fait que la vie laisse des traces indélébiles sur nos cœurs, dans nos corps? Et qui sont-ils pour juger nos textes, pour les censurer, sachant que c'est une partie intégrante de nous-mêmes? Qui sont-ils pour s'incruster dans nos têtes et nous amener à être ce qu'ils veulent qu'on soit? De bonnes bêtes bien dressées qui ne font pas la forte tête. C'est moins dur à exploiter au lieu de faire en sorte que l'on soit nous-mêmes. Ils nous mettent devant nous des choses matérielles, on en oublie les valeurs essentielles. J'essaye d'observer le monde d'un autre œil, mais gare au risque car des fois j'aimerais pouvoir redescendre de cette digue sur laquelle je suis monté pour prendre du recul. J'en avais marre d'avoir l'impression qu'on m'encule. À 12 ans vivre un viol a créé dans mon existence quelques tumultes. J'espère pouvoir garder la tête froide face au reste du monde, face à tout ce qui m'indigne, t'indigne, tous ces actes immondes qui nous horripilent, horribles, qui font que mon cœur, tout comme le tien, faille s'arrêter de battre. J'essaye de faire des efforts, de ne pas être faux, de continuer à me battre, de ne pas faire aux autres ce qui m'ont fait subir. J'essaye de ne pas être ceux qui m'ont fait souffrir. En bref, j'essaye de prendre toutes ces choses avec le sourire. Mais c'est dur de se dire que la vie c'est pas que ça, que c'est pas que le passé, qu'une passade de moments passables, impossible à effacer. Une petite question me trotte dans la tête, vaut-il mieux naître que l'image d'un sentiment de rage, ou naître avec et avoir l'impression d'être le mirage d'un oasis dans le désert du Sahara? Choisir, je préfère être celui qui reçoit ce présage. Mais là je divague, m'attarde et retranscris mes larmes dans ces rimes, seul face à cette vie qui auparavant me paraissait si sordide, si morbide. J'essaye de me sortir du vide qui m'a anéanti en t'offrant cette prose telle tu aurais pu offrir à une femme une rose. Je veux mettre ma pierre au moment propice pour aider, contribuer, continuer d'évoluer, pour mettre en travers de cet immense édifice qui s'érige, se dirige devant nous vers le vice. Admets que la corruption atteint plus d'une fois la police. Dans ma tête résonne encore le bruit des sirènes, mais le cri des femmes victimes de la haine est bien pire à mes yeux puisqu'ils n'y ont pas mis un terme. Leur vie est définie, une raison de plus pour elles d'en finir folle ou d'en venir au suicide pour arrêter de subir ces viols. Si ça c'est pas un crime, alors parlons des pédophiles internes, même des professeurs d'école qu'on interne, peut-être même d'un père qui cogne sur sa femme, sur ses gosses comme sur un ring de boxe.